بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما بعد، ف aujourd'hui le 16 du mois de Al-Muharram de l'année 1447 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous nous réunissons avec le cœur lourd encore une fois pour faire une brève biographie de ce grand savant qui est mort il y a 2 jours, le mercredi 14 du mois de Muharram de l'année 1447 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-Sheikh al-Allama al-Mujahid Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa askanahu fasiha jannatih. Premièrement, je présente mes condoléances à la communauté musulmane et en particulier les gens de la Sunna, ceux qui essayent de s'accrocher, de se cramponner tous ensemble au câble d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ceux qui aiment les savants de la Sunna, qui se rangent derrière eux, qui les suivent, qui apprennent d'eux, sans ta'assoum, sans fanatisme, et sans dénigrer ces derniers, en reconnaissant leur rang élevé, ce rang auquel Allah tabaraka wa ta'ala les a élevés. En effet, il dit dans son livre tabaraka wa ta'ala, al yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, dans le sens approximatif de ces paroles, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il dit aussi tabaraka wa ta'ala dans son livre azza wa jal, shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. « La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim » dans le sens approximatif de ces paroles. « Tabaraka wa ta'ala » Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors de lui, le mainteneur de la justice, point de divinité digne d'adoration en dehors de lui, le puissant, le sage, dans le sens approximatif de ces paroles, bien sûr. Ceci nous montre la place élevée qu'Allah tabaraka wa ta'ala donna aux savants de la communauté, le fait qu'il les fit témoigner de la chose la plus grandiose à propos de laquelle on puisse témoigner son unicité subhanahu wa ta'ala, comme dans ce verset de surat Al-Imran que je viens de citer. Et comme notre habitude depuis la mort de notre cher et notre père Hassan ibn Abdul Wahhab ibn Marzouq al-Banna rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a, nous avons l'habitude de nous réunir et de présenter nos condoléances à la communauté musulmane, en particulier les gens de la Sunna parmi eux, à la mort d'un de leurs savants. C'est ce que nous ferons aujourd'hui. Après cette brève introduction, je ferai une brève biographie de Cheikh, une présentation de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Je citerai quelques-uns de ses livres et de ses écrits de manière plus générale. Et ces derniers sont nombreux. Bien sûr, une assise, comme nous avons l'habitude de le faire, ne suffira pas pour présenter ce grand savant et pour présenter son œuvre, car sans aucun doute, son œuvre, bien que ce dernier soit décédé il y a 2 jours, son œuvre perdure à travers ce qu'il a laissé en héritage, la science, les livres qu'il a pu écrire, les articles qu'il a pu écrire, les audios qu'il a pu enregistrer. Rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Et il convient, celui qui désire profiter de lui, de revenir vers ses écrits, de profiter de ses écrits, de s'éduquer à travers ses écrits. Puis après avoir cité quelques-uns de ses livres, qui sont des références dans la bibliothèque islamique, sans aucun doute, je citerai quelques-uns des éloges que les savants ont fait de lui. Puis après cela, je citerai une partie de son testament, un testament qu'il écrit ou qu'il fit écrire il y a de cela 27 ans, à une époque où il tomba très malade et Il pensait que sa mort était venue. Il fait écrire un testament, un conseil pour la communauté musulmane. Je traduirai une partie de ce conseil, quelques lignes, qui illustrera l'amour qu'avait notre cher et père Rabi Ibn Hadi pour la communauté, pour les gens de la Sunna, ce qu'il voulait pour eux, le bien qu'il désirait pour eux ardemment, et ce bien vers lequel il avait l'habitude de les orienter. Et je terminerai par quelques bénéfices que j'ai pu moi-même profiter de ce cher, que ce soit directement de lui ou à travers certains de mes mashayikhs auprès de qui j'ai étudié et qui sont soit des élèves de cheikh, soit des amis intimes de cheikh comme notre père et cheikh Al-Walid Hassan ibn Abdelwahab Al-Banna, rahmatullahi alayhi, qui était quelqu'un d'intime avec cheikh, qui était proche de lui, qui le connaissait depuis de très nombreuses années, et notre cheikh Hassan que j'ai pu, faudlillahi tabaraka wa ta'ala, accompagné pendant plus d'une dizaine d'années, étudié auprès de lui pendant plus d'une dizaine d'années, avait l'habitude de nous parler de lui, de Cheikh Rabi'a, et de nous conseiller de revenir vers lui. Rahimahullah Azza wa Jal. Donc, comme notre habitude, cette introduction que je viens de commencer, en rappelant la place des savants dans notre communauté, comme vous l'avez entendu, le mérite des savants dans notre communauté, de même que de savoir que ces derniers sont un rempart aux troubles, car en effet, la mort des savants fait partie des signes avant-coureurs de l'heure, comme il est rapporté dans plusieurs ahadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des gens que la communauté prendra à leur tête à la mort des savants, comme dans ce hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhumain, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens approximatif de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah ne fera pas disparaître la science en l'enlevant directement aux hommes, mais il la fera disparaître en faisant disparaître les savants, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Alors les hommes prendront pour chef des ignorants qui, interrogés, répondront sans la moindre science, s'égarant eux-mêmes ainsi et égarant les autres. Le hadith est unanimement reconnu, authentique. De même, dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ses paroles, fait certes partie des signes de l'heure que la science soit recherchée auprès des insignifiants. Al-Asarir, dans le hadith, qui correspond aux insignifiants, tout à l'inverse des savants de la communauté, ces savants qu'Allah Azza wa Jal éleva par leur science et leur foi, comme dans sa parole Tabaraka wa Ta'ala, يَرْفَعِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élève en degré ceux qui ont cru parmi vous et à qui il aurait été donné la science. Et comme je l'ai dit, les savants sont un rempart aux troubles. Les savants sont un rempart aux troubles, comme le disait Al-Hassan Al-Basri, rahimahullah ta'ala, mawtul alimi thulmatun fil islam. La mort du savant est une fissure dans l'islam qui ne sera pas réparée par le temps. Et nous devons, à la mort des savants, retirer un enseignement après avoir compris la place et le mérite de ces derniers, après avoir compris que ces derniers sont un rempart aux troubles, que ces derniers sont ceux vers qui nous devons revenir en cas de trouble. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, dans deux versets de son livre. De même, parmi les preuves que ces derniers sont un rempart aux troubles, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-barakatu ma'a akabirikum, la bénédiction, la baraka se trouve avec vos grands, vos anciens, ce qui est voulu sans aucun doute. En premier lieu, ce sont les érudits de la communauté. Qu'en est-il lorsque ces érudits sont aussi des anciens en âge, comme était le cas de ce grand savant, Cheikh Rabi, qui avait dépassé les 90 ans, qui a réuni sans aucun doute la science ancrée du livre d'Allah et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même que l'expérience. Il nous convient, après avoir compris tout cela, de tirer un enseignement à la mort de ces derniers. Et je ne trouve pas de meilleure parole que la parole de ce grand compagnon Abu Darda, radiallahu anhu, qui disait, dans le sens de ces paroles, « Pourquoi vois-je vos savants s'en aller et vos ignorants ne pas apprendre ? Apprenez la science avant qu'elle ne disparaisse, car certes la disparition de la science arrive par la mort des savants. » وجهالكم لا يتعلمون تعلموا العلم قبل أن يقبض فإن قبض العلم بموت العلماء. Dans le sens donc approximatif de ces paroles, pourquoi je vois vos savants s'en aller et vos ignorants ne pas apprendre? Que doit-on faire à ce moment-là? Quel est le conseil que nous devons tous nous prodiguer les uns les autres et nous conseiller et nous enjoindre mutuellement? Apprenez la science, comme le dit Abu Darda ici, ta'allamu al-ilm, apprenez la science, qabla an yuqbad, avant qu'elle ne disparaisse. Car la disparition de la science, comme je l'ai cité précédemment, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, comme l'a dit ici Abu Darda, car la disparition de la science arrive par la mort des savants. Voici le conseil que je me fais à moi-même ainsi qu'à vous. Et je pensais que nous pouvons nous enjoindre mutuellement à la mort des savants de la communauté. Rahmatullahi alayhim jamia. Donc après cette introduction, ayyuhal ikhwa, je commencerai une brève, comme je l'ai dit, une brève présentation. Je n'appellerai pas ça une biographie, mais vraiment une présentation de ce grand savant, Al-Allama, le savantissime Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali. Rahimahullah ta'ala, car il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce savant, comme il y a beaucoup de choses à dire sur les savants que j'ai présentés précédemment. Et entre parenthèses, certains parmi les savants sont morts depuis la dernière présentation que j'ai faite, ou avant la dernière présentation que j'ai faite. La dernière était celle de l'Allama Yahya al-Bahkali, rahimahullah ta'ala, Yahya al-Bahkali, dont nous allons parler aujourd'hui, puisqu'il faisait partie aussi des enseignants de l'Allama Rabi' ibn Hadi, rahmatullahi alayhim. Depuis la mort de Cheikh Yahya, il y a certains savants qui sont décédés, ou avant la mort de Cheikh Yahya, peut-être certains savants sont décédés. Je pense notamment à Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Aqil, de même que Cheikh Ali ibn Nasser al-Faqihi, qui faisait partie des savants émérites de notre communauté. J'aurais aimé faire une biographie de ces deux derniers, mais je n'avais pas le temps de faire cette biographie et de faire cette assise. Donc ce n'est pas parce que je ne fais pas une biographie que, comment dire, ces savants n'ont pas la place qu'ils méritent dans notre cœur, mais le temps parfois ne nous permet pas. Donc, j'espère pouvoir faire la biographie de ces deux savants, entre autres, qui sont morts dernièrement, rahimahumullah, et de qui je n'ai pas pu faire la biographie. De même, encore une fois, ces biographies que nous faisons selon cette série, comme je l'ai dit, depuis la mort de notre père et de notre cher Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, rahimahumullah ta'ala, que nous avons appelé « Rappel aux avisés de biographie de leurs prédécesseurs » ou « Rappel aux avisés des biographies de leurs prédécesseurs ». Ce titre que j'avais donné à cette série était pris du titre d'un livre de l'Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, « Tanbihu al-Nabihin » rahimahullah azza wa jal. Le bien et la place de ce savant se retrouvent vraiment partout dans cette communauté, en particulier auprès des gens de la Sunna. Regardez le titre même de cette série. Je l'avais pris donc du titre du livre de Cheikh, qui est un livre où il a rassemblé des biographies de nombreux savants, depuis As-Salaf radhiyallahu anhum jusqu'à son époque. De même, ces biographies, nous les faisons sur la base de la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, comme j'ai l'habitude de le rappeler, où il disait, rahimahullah ta'ala, شتان بين أقوام تحيا القلوب بذكرهم وأقوام تموت القلوب بمخالطتهم. Dans le sens donc approximatif de ces paroles, rahimahullah ta'ala, il y a une grande différence entre un peuple dont les cœurs vivent et revivent à leur évocation et un peuple, des gens dont les cœurs meurent à leur contact et à leur fréquentation. Sans aucun doute, le fait de se rappeler la vie de ces savants, de se réunir pour parler d'eux, de parler de leur biographie, leur présentation et leur œuvre, surtout, les cœurs qui sont vivants revivent et s'exaltent à ce rappel. À l'inverse de peuples qui sont eux-mêmes vivants, qui ne sont pas morts, mais dont les cœurs, en réalité, à leur contact et à leur fréquentation, meurent petit à petit. Wal-iyadhu billah. Je commencerai ici donc cette biographie de l'Allama al-Muhaddith, le savant du hadith, le savantissime Cheikh Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, qui fait partie de la tribu, de la Qabila, de l'Madakhila, qui est une tribu connue dans la province de Jizan, dans le sud de Al-Mamlaka Al-Arabiya Saoudia, Bilad Al-Tawhid wa Sunnah, harasahullah. Le cheikh est né dans le village de Al-Jaradiya, qui se trouve à l'ouest de la ville de Samita, environ à 3 km de cette ville. Ceci était à l'époque, donc à l'époque où Cheikh était né, se trouvait à environ 3 km de la ville de Samita, et aujourd'hui, Al-Jaradiya est rentrée dans la ville de Samita, elle est rentrée dans sa banlieue, comme on pourrait dire. Cheikh est né en 1351. Nous sommes à Yul Ikhwa. En 1447. Nous sommes en 1447. Et Cheikh est né en 1351. Donc, Cheikh est mort à l'âge de 96 ans environ, selon le calendrier égérien. Cheikh, son père, est mort 1 an et demi après sa naissance environ. Il a grandi auprès de sa mère, donc, rahimahumullah. Elle s'est occupée de lui de la meilleure des manières. Elle lui a appris les bons comportements, la véracité, les bons comportements islamiques. Elle le poussait à prier. Elle lui a appris ce qu'elle pouvait. Et ceci avec l'aide de son oncle paternel. Cheikh a pris la science depuis son plus jeune âge. Lorsqu'il grandit à l'âge de ses 8 ans, il commença à apprendre la science religieuse dans le village où il était. Il a appris la lecture, l'écriture auprès de plusieurs savants, parmi eux Cheikh Cheyban Al-Arishi, aussi auprès du juge Al-Qadhi Ahmed ibn Muhammad Jabir Al-Madkhali, et autres qu'eux. Il étudia le Coran auprès du Cheikh Mohammed ibn Mohammed Jabir al-Madkhali. Il apprit auprès de lui, dès son plus jeune âge, comme je l'ai dit, la science de Tawhid, de l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la croyance, de même que la science du Coran, de la récitation du Coran, at-Tajwid. Et il commença à étudier dans l'école salafie, al-Madrasa al-Salafiyya, de la ville de Samita à cette époque. Le madrasa salafia, lorsque nous parlons dans le sud de la Saoudia, de Madrasa Salafia, ce sont un groupe d'écoles qui étaient, comme je l'ai évoqué dans la biographie de Cheikh Ali, de Cheikh Yahya, de Cheikh Ali al-Bahkali, Madrasa Cheikh Ali ben Yahya al-Bahkali, rahmatullah alayh, qui étaient des écoles qui ont été fondées par ce grand savant, Cheikh Abdallah al-Qara'awi. Cheikh Abdallah al-Qara'awi, qui a fondé ce groupe d'écoles, le Madrasa Salafia, qui était parfois simplement une école qui était faite dans la maison d'un des enseignants. Il accueillait les jeunes, il accueillait, pardon, les jeunes du village et des villages avoisinants pour leur apprendre les bases de la religion, puis s'élever avec eux et leur apprendre les bases de la science religieuse et ceci dans de nombreuses sciences. Parmi ces savants qui ont profité de ces écoles salafiyes, le madrasa salafiyya, nous trouvons un cheikh, l'allama Ahmed ben Yahya al-Najmi. Ahmed al-Najmi qui fait partie des enseignants de cheikh Rabi', nous allons parler ici. Parmi eux aussi, un cheikh, l'allama Hafid ibn Ahmed al-Hakami, qui lui aussi fait partie des enseignants de Cheikh Rabi, parmi eux aussi Cheikh Ali ibn Yahya al-Bahkali, dont nous avons fait la biographie précédemment, qui fait lui aussi partie des enseignants de Cheikh Rabi. Tout cela sont le résultat de cette madrasa salafiyya qui a été fondée par Cheikh Abdallah al-Qara'awi et qui, lorsque l'élève apprenait la science, grandissait dans la science, dans l'apprentissage de la science et devenait un étudiant en sciences confirmé, il devenait lui aussi un enseignant dans ses nombreuses écoles salafi, madrasa salafiya, en fonction du village ou de la ville où il habitait. Donc nous voyons que Cheikh a étudié dans le madrasa salafiya de Samit. Parmi les chouyours chez qui il étudia, donc parmi les chouyours de Cheikh Rabia dans cette madrasa salafiya, nous voyons ce savant, al-faqih, Cheikh Nasser Khaloufa. Cheikh Nasser Khaloufa, pour ceux qui ont suivi le cours ou la biographie de Cheikh Ali ben Yahya al-Bahkali, il faisait partie aussi des enseignants que Cheikh Ali ben Yahya al-Bahkali avait été resté avec lui donc pendant de nombreuses années, chez qui il avait étudié. Donc nous voyons que Cheikh Rabi ici a étudié chez le Cheikh de Cheikh Ali ben Yahya al-Bahkali, et Cheikh Ali ben Yahya al-Bahkali faisait partie aussi de ses enseignants. Et Cheikh Nasser Khaloufa faisait partie des grands élèves de Cheikh Abdallah al-Qara'awi et il faisait partie des savants connus à cette époque-là. Cheikh Rabi a étudié auprès de lui de nombreux livres, parmi eux Bulugh al-Maram de l'Hafidh ibn Hajar dans le Hadith. Il étudiait aussi Nuzhat al-Nadhar de Ibn Hajar aussi, al-Hafidh, rahmatullah alayh. Après avoir étudié dans al-Madrasa al-Salafiyya, Cheikh Rabi ibn Hadi, rahmahullah ta'ala, s'inscrit dans ce qu'on appelle le Ma'had al-Ilmi de la ville de Samita. Le Ma'had al-Ilmi était un degré au-dessus de al-Madrasa al-Salafiyya, comme on pourrait le dire, c'est-à-dire que c'est un institut scientifique donc de la ville de Samita, où enseignaient de nombreux élèves de Cheikh Abdallah al-Qara'awi, qui étaient eux-mêmes des enseignants dans le Madrasa al-Salafiyya. Le Madrasa al-Salafiyya, comme je l'ai dit, il n'y en avait pas qu'une seule école salafie, il y avait donc beaucoup de villages et de villes. Et ceci sont les fruits de la da'wa de ce grand savant Abdallah al-Qara'awi. Et donc, de nombreux élèves de Cheikh Abdallah al-Qara'awi et des élèves de ses élèves ont ensuite fondé ou, comment dire, sont devenus des enseignants dans ce qu'on appelle le Ma'had al-Ilmi, donc l'institut scientifique de la ville de Samita. Donc, Cheikh Rabi, rahmahullah ta'ala, étudia dans cet institut scientifique, le Ma'had al-Ilmi, de la ville de Samita. Il étudia auprès de nombreux enseignants émérites. Parmi les plus connus, sans aucun doute, Cheikh l'allama Hafid ibn Ahmed al-Hakami, ce grand savant connu qui a écrit nombre de livres connus et reconnus. Parmi ces livres-là, parmi les œuvres les plus importantes, Ma'arij al-Qabul, qui est l'explication de la poésie qu'il écrit lui-même, Sulam al-Wusul, dans la science de la croyance, et de nombreux autres livres qui ont été écrits par ce grand savant, Cheikh Hafid al-Hakami, rahmatullahi alayh. Il étudia aussi auprès de son frère, Cheikh Mohammed Ibn Ahmed al-Hakami, comme il étudia auprès de ce grand savant, le mufti du sud de Saoudia, comme l'appelait al-Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, l'allama al-muhaddith, al-Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahimahullah azza wa jal. Il étudia aussi auprès de al-Sheikh, le docteur Sheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, dans la croyance en particulier. Et une petite parenthèse, al-Sheikh Rabi avait l'habitude de dire de al-Sheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi fort dans la croyance, dans son enseignement de la croyance islamique. Revenez donc au cours de Cheikh Mohammed Aman et prenez cette tesquia de ce grand savant, Cheikh Rabi Ibn Hadi, qui, comme nous le verrons prochainement, dans l'éloge de l'allama al-muhaddith al-albani Mohamed Nasr al-Din, rahimahullah azza wa jal, était donc Cheikh Rabi Hamil, liwa al-jarh wa al-ta'dil, fi zamanina, donc le porteur de l'étendard de Al-Jarh wa Al-Ta'dil, la critique et l'éloge, la science de la critique et l'éloge à notre époque. Donc, lorsque le porteur de l'étendard, selon la parole de Cheikh Nasr Al-Albani, rahimahullah ta'ala, te dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un enseigner la croyance comme Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, accroche-toi à cette tesquia, accroche-toi à cette recommandation et essaye de prendre la science, tant que tu le peux, des cours enregistrés de ce grand savant, Cheikh Mohammed Al-Jami, et des livres qu'il a pu écrire ou qui ont pu être édités après lui. Il étudia aussi, donc, Cheikh Rabi auprès de plusieurs savants, parmi eux, un savant qui s'appelle Mohamed Sarir, Khumaïsi, dans Al-Fiqh, il étudia l'Ibzad al-Mustaqni, et d'autres que cela, parmi les savants de cette époque, dans l'Institut scientifique de la ville de Samarra. Al-Sheikh étudia auprès de ses savants nombre et nombre de sciences, parmi elles, bien sûr, la science de la croyance authentique, de même que Al-Fiqh, de même que Al-Hadith, la terminologie du Hadith, de même que Al-Fiqh et les sciences de fondement du Hadith ou Usul al-Fiqh. Il étudia aussi auprès d'eux les sciences de la langue arabe, selon ses nombreuses sciences, la rhétorique, de même que la grammaire, la conjugaison et autres que cela. Il étudia nombre et nombre de sciences auprès de ses savants. Puis, lorsqu'il termina ses études dans l'Institut scientifique en 1380, donc Cheikh avait à cette époque, puisqu'il est né en 1351 à Yuel Irwa, il avait 29 ans. 29 ans, il termina ses études dans l'Institut scientifique à cet âge-là, 1380. Il rentra en 1381, donc un an après, dans la faculté de Sharia dans la ville de Riyad. Il rentra dans la faculté de Sharia qui se trouvait à cette époque-là. Bien sûr, on parle d'une époque où il n'y avait pas toutes ces universités que nous pouvons trouver, qui sont un grand bien. Aujourd'hui, toutes ces facultés islamiques que nous pouvons trouver dans ce pays, le pays du Tawhid de la Sunna, le Mamlaka al-Arabiya al-Saoudiya, halasallah, il n'y avait pas tout cela. Donc, il rentra dans la faculté qu'il trouva à cette époque-là, la faculté de Riyad, qui se trouvait à cette époque-là. Il y étudia pendant à peu près un mois et demi ou deux mois. Puis, il entendit que l'université islamique de Médine ouvrait ses portes. Donc, Cheikh Rabi a connu l'université islamique de Médine à son ouverture. Lorsqu'il entendit que l'université islamique de Médine avait ouvert ses portes, il déménagea directement dans la ville de Médine, dans la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il rentra dans l'université islamique de Médine, dans la faculté de Sharia, où il y étudia pendant 4 ans, et il sortit diplômé avec une mention excellente en 1384. En 1384, donc à l'âge de 33 ans. Avant de passer à la suite de son cursus, nous dirons que Al-Sheikh a étudié dans l'université islamique de Médine auprès de grands savants de la Sunna. Parmi les plus grands savants auprès de qui il étudia, pendant ces 4 ans où il étudia à l'université islamique de Médine, Al-Allama, Al-Imam, Abdul Aziz, Ibn Abdillah, Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il étudia auprès de lui dans la croyance, entre autres. Il étudia aussi auprès de Cheikh al-Muhaddith al-Allama, Cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, où il étudia auprès de lui la science du hadith et des chaînes de transmission. Il étudia aussi auprès de Cheikh al-Allama Abdel Mohsin al-Abbad, Cheikh Abdel Mohsin qui était aussi son enseignant et aussi un proche de lui. Donc, ils ont, ou ils avaient à peu près le même âge et ils ont pris aussi la science auprès des mêmes savants. Mais Cheikh étudia auprès de lui à la faculté de Sharia à cette époque-là. De même, Cheikh étudia auprès du grand savant Mohamed al-Amin ibn Mohamed Tar al-Shankiti, celui qui a écrit Tafsir Adwa al-Bayan, auprès de lui pendant 4 ans. Il y a d'autres comme al-Iraqi, diplômé, qui travaille comme enseignant dans le islamique pendant certains pour terminer son cursus dans les études son magistère dans la science du hadith à l'université de Abdelaziz donc déménagea et étudia dans la faculté de dans l'université de Abdelaziz à Mecca. Et donc bien sûr sa thèse avec laquelle il prit le master est une thèse qui est connue, un livre qui est connu de lui, qui est le livre Bayn al-Imamayn, Muslim wa Daraqutni. Donc, entre les deux imams, Muslim et Daraqutni, qui est un livre excellent de Cheikh, comme tous les livres de Cheikh, mais c'est un livre important et excellent dans son sujet. Puis, ceci, bien sûr, il prit donc le master en 1397. En 1397. Donc, Cheikh, à cette époque-là, avec quel âge? Avait 46 ans environ. 46 ans, il prit donc son master. Puis, en 1400, donc à l'âge de 49 ans, Cheikh prit son doctorat. Doctorat de la même université, l'université de Malik Abdelaziz, à Mecca, avec bien sûr une mention excellente, avec la vérification et les commentaires et la vérification du livre An-Nukat al-Kitab ibn Salah de al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, qui est un livre aussi excellent, qui est édité en deux volumes, en tout cas l'édition que j'ai est en deux volumes qui a été édité et réédité depuis, qui est un livre aussi excellent et un travail excellent de Al-Shir, comme tous les travaux de l'Allama Rabi ibn Hadi rahimahullah ta'ala. Puis après cela, après avoir pris son doctorat, donc à l'âge de 49 ans, Cheikh revint à l'université en travaillant à l'université de Médine, en travaillant comme enseignant dans la faculté de hadith. Il enseignait le hadith et les sciences du hadith pendant de nombreuses années dans la faculté de hadith de Médine. Et il a été à de nombreuses reprises, pendant de nombreuses années, le directeur de la partie sunna de l'université de Médine dans la faculté du hadith. Et Cheikh, lorsqu'il s'arrêta ou lorsqu'il il s'arrêta d'enseigner dans l'université, donc à sa retraite, il était professeur, donc il atteint le rang de professeur qui est bien au-dessus de celui de simple docteur, doctorant, à l'université. Ce qui est connu de Cheikh parmi ses comportements exemplaires, ce que les gens connaissent de Cheikh, ce qui est rapporté de lui, ce que tous ceux qui l'ont rencontré et qui ont pu profiter de lui, de certains de ses enseignements, s'asseoir avec lui, et ceci est un grand mérite qui a pu arriver à beaucoup d'élèves à travers de nombreuses années. Comme je l'ai dit, Cheikh est mort à à peu près 96 ans. Donc, nous voyons que c'est un savant qui a vécu pendant longtemps, donc qui a eu de nombreux élèves, ou en tout cas, de nombreuses personnes qui ont pu profiter de lui. Moi, comme je l'ai dit, j'évoquerai certains points à la fin de cette assise. J'ai pu profiter de lui, de certaines assises, de peu d'assises. Bien sûr, j'ai profité de lui, de certains de ses enseignements, mais elles sont très peu. Mais elles m'ont permis d'avancer et j'ai beaucoup profité de ces peu d'assises, comme j'ai beaucoup profité de ma lecture de nombreux ouvrages de Shir à travers lesquels nous sommes éduqués, de même des savants qui ont été des amis de Shir, qui sont des savants chez qui j'ai pu étudier pendant de nombreuses années, comme notre Shir Al-Walid Shir Hassan Rahmatullah Ali, qui avait l'habitude d'évoquer Shir, de parler de lui en bien, chez qui j'ai pu étudier pendant plus d'une dizaine d'années. Et donc, Shir est quelqu'un qui avait une place vraiment omniprésente dans la vie de l'étudiant en sciences salafi pendant toutes ces années. Shir était connu pour son humilité, était quelqu'un de très humble, malgré son âge avancé, malgré sa science. Il était quelqu'un de très humble. Il s'asseyait avec ses frères, avec ses enfants, avec ses petits-enfants, car en réalité, nous avons l'âge de ses petits-enfants, et certains ici qui écoutent le cours ont l'âge des enfants de ses petits-enfants en réalité. Donc, Shir avait l'habitude de s'asseoir avec nous comme s'il faisait partie de nous-mêmes. Il était quelqu'un de simple dans sa manière de s'habiller, de parler, de se comporter. Il était très généreux aussi lorsque tu le visitais dans sa maison. Ici, entre parenthèses, la dernière fois que personnellement j'ai pu visiter le Shir et que beaucoup d'autres étudiants en sciences et même parmi El Mashayr ont pu visiter le Shir, c'était en 2017, juste avant qu'éclatent beaucoup de troubles qui ont été, comme beaucoup de ces troubles, un mal pour cette communauté qui nous empêcha de profiter des gens de science à l'image de Shir Rabi. Et donc, depuis 2017, je n'ai pas pu profiter de Shir en présentiel, comme ceci beaucoup d'étudiants en sciences et même certains parmi les savants n'ont pas pu profiter de lui depuis cette époque, c'est-à-dire 2017. Vous vous rendez compte, nous sommes en 2025, c'est-à-dire depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Wallahu al-musta'an, sallallahu alayhi wa sallam, rahmatan wasi'a. Et donc, Shir avait l'habitude d'être très généreux lorsqu'il s'asseyait avec les élèves, les étudiants en sciences, avec les savants de la communauté lorsqu'ils venaient le visiter. Les savants avaient l'habitude de venir le visiter comme les étudiants en sciences avaient cette habitude lorsqu'ils voyageaient dans la ville de Mecca pour effectuer le Hajj ou l'Umra ou pour visiter donc les savants. Ils avaient l'habitude de passer voir et profiter de ce grand savant Cheikh Rabi. Et puis après, lorsqu'il déménagea à Médine, au début donc il se trouvait à Médine, ensuite il déménagea à Mecca, puis il revint à Médine et il est mort dans la ville de Médine, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rahmatullahi alayhi. Et à chaque fois que des étudiants en sciences ou des savants du monde entier avaient l'habitude de partir faire la Umra ou le Hajj, avaient l'habitude de visiter les savants de ce pays qui est rempli de savants de la Sunna, bien sûr, était très avide de visiter ce grand savant Rabi' ibn Hadi al-Madkhali Ali et de profiter de ses enseignements et de profiter de ses conseils. Ici, nous voyons que Shir rahimahullah ta'ala a écrit nombre et nombre de livres. Nous passons ici donc à la troisième partie de notre assise qui sont les livres et les ouvrages que Shir a laissé derrière lui. Bien sûr, Shir a laissé de nombreux ouvrages, que ce soit des livres, des vérifications de livres, de même que des articles qu'il a pu écrire qui étaient propagés à l'époque sur certains sites sérieux, à l'époque où il y avait encore des sites sérieux sur Internet. Je ne dis pas qu'aujourd'hui il n'y en a pas du tout, mais comme vous le savez, il y a beaucoup de choses et peu sont sérieux parmi ces derniers. À l'époque où il y avait des sites sérieux, donc le Shir était avide de propager sa science et ses articles sur ces sites, où il écrivait sur ces sites, où Tullab al-Ilm à cette époque écrivait sur ces sites, comme à l'image du site Sahab, qui était un lieu de rencontre pour les savants et les étudiants en sciences. Nous écrivions sur ce site à cette époque-là. Les étudiants en sciences ne pouvaient pas écrire sur ce site qu'avec la permission des savants et avec une recommandation des savants. Nous écrivions dessus, nous profitions des savants dessus, nous écrivions nous-mêmes dessus. C'était une époque que beaucoup de jeunes parmi vous n'ont pas connu, et c'était une époque où Cheikh Al-Allama Rabi Ibn Hadi avait l'habitude d'écrire dessus, de même que Cheikh Ubayd Al-Jabiri rahimahullah ta'ala avait l'habitude d'écrire dessus, et autres que eux parmi les savants de la Sunna et les étudiants en sciences. Le Cheikh était donc avide d'écrire sur ces sites, et je viendrai à cela lorsque j'évoquerai certains des bénéfices que j'ai pu tirer moi-même de ce grand savant rahmatullah Ali. Donc nous voyons que son œuvre se retrouve à travers ses livres, à travers ses vérifications de livres, à travers ses articles, à travers les cassettes qu'il a pu laisser. Et Cheikh a énormément de cours enregistrés, des cours anciens, des cours moins anciens. Et je conseille vraiment, vraiment, vraiment, mes frères, de profiter de ces cassettes. Celui qui a la possibilité d'écouter les cours en langue arabe, de profiter des cassettes audio de Cheikh, que ce soit les conférences générales, les conférences qu'il a pu donner avec des autres savants, de même que des explications de livres. Bien sûr, nous sommes éduqués pendant de nombreuses années auprès de cela. Ceux qui nous ont précédés se sont éduqués avec ces cassettes, avec ces livres. Et je conseille vraiment à la génération qui arrive, comme à ma génération, comme je conseille aussi, je me permets de conseiller ceux qui sont plus anciens que moi, de profiter vraiment, d'être avide de profiter des livres de ce grand savant, de même que des cassettes enregistrées, il y en a énormément. Il y en a énormément, et par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est bien fait sur nous, nous sommes éduqués pendant de nombreuses années, je parle de nous, je parle de moi, de même qu'un groupe d'étudiants et un groupe de nos mashayikh chez qui nous avons étudié se sont éduqués sur cela avec l'omniprésence, comme je l'ai dit précédemment, de Cheikh Rabia dans le sens de l'omniprésence, c'est-à-dire qu'il était au centre de discussions scientifiques. On parle ici de discussions scientifiques du fait du grand nombre de livres et de sujets à propos desquels il a écrit, des sujets qu'il a traités, c'est-à-dire que lorsque tu parlais de sciences religieuses et tu venais à un sujet, tu rappelais les avis des savants. Cheikh Ibn Baz a dit, Cheikh Al-Albani a dit, ceci parmi les contemporains bien sûr, Cheikh Al-Albani a dit, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, Cheikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali a dit. Et nous trouvons ici que malheureusement beaucoup de gens ne connaissent pas l'œuvre de cet imam, ne connaissent pas ses audios, ne connaissent pas ses livres, et ceci est vraiment triste. Est vraiment triste. Beaucoup prétendent l'amour de ce savant. Beaucoup ont à leur bouche Cheikh Rabi a dit, Cheikh Rabi a fait, etc., etc., mais ils ne connaissent rien en réalité de l'œuvre de ce Cheikh qui, en réalité, ont vraiment profité de lui, qui ont profité de ses comportements, qui ont profité de sa science, qui ont lu ses œuvres en réalité. Les œuvres de Cheikh Rabi, nous les lisons depuis près de 20 ans. Et à mon âge, et moi qui suis encore quelqu'un de jeune, et avec la faiblesse que j'ai dans la science et dans l'apprentissage, je dis nous apprenons de lui et à travers ses œuvres depuis une vingtaine d'années. Pensez à ceux qui ont profité de lui parmi eux, certains de nos mashayikh, comme je le citerai un peu plus tard, comme notre cheikh Abou Abdel A'la Khalid Uthman, qui faisait partie des élèves proches de lui, comme notre cheikh aussi Abu Hassan Samir Al-Qaisi, qui faisait partie des élèves proches de lui, comme Cheikh Ahmed Bazmoul, Cheikh Mohamed Bazmoul, Cheikh Adil Mansour Bacha, et Cheikh Khalid Abdurrahman, Cheikh Al-Nahj, Cheikh Mohamed Al-Anjari, Cheikh Ahmed Sbi'i, Cheikh Tariq Sbi'i, et ce grand savant aussi, Cheikh Mohamed Ben Hadi Al-Madkhali, et autres que eux parmi nombre et nombre de savants qui ont profité de lui. Qu'en est-il? Ils ont vraiment profité de lui, ils ont pris ses conseils, ils étaient avec lui, ils l'ont accompagné, ils ont appris à travers ses audios, peut-être en étant là en présentiel ou en écoutant constamment ses audios et en profitant de ses enseignements, de même qu'ils ont appris à travers ses œuvres, que je conseille vraiment, mes frères, de profiter, ses œuvres, ses écrits, ses articles, ses livres, ses vérifications de livres, qui sont vraiment très importants pour l'étudiant salafi de profiter de ses dernières œuvres. Qu'en est-il de quelqu'un qui prétend aimer Cheikh Rabi, de prétendre de connaître Cheikh Rabi, peut-être qu'il allait le voir, qu'il restait assis avec lui dans sa maison, etc., etc., et peut-être qu'il n'a jamais lu en entier l'un de ses livres. Lorsque tu t'interroges, tu te dis, qu'est-ce que j'ai lu de ce savant Cheikh Rabi? Je dis, Cheikh Rabi, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, Cheikh Rabi, Cheikh Rabi, qu'est-ce que tu connais de ses œuvres, de ce grand savant? Qu'as-tu lu des œuvres de ce grand savant? Ceci est l'héritage qu'il a laissé derrière lui. La science qu'il a laissée, c'est à travers cette science-là que tu pourras le connaître, et à travers cette science-là et son héritage, ce qu'il a laissé, tu pourras profiter encore de lui, et que les générations prochaines continueront de profiter de la science de cet imam, rahimahullah ta'ala. Je ne m'attarderai pas plus que cela. Je vais citer quelques-uns de ses livres qu'il a pu écrire. Comme je l'ai dit, sa thèse de master « Bain al-imamayn, muslim wa daraqutni ». De même que le livre qui a été sa thèse de doctorat, la vérification du livre « Nukat al-kitab ibn Salah », qui est un livre qui n'est pas facile et qui n'est pas facile à faire son authentification, son tahqir, sa vérification, de même que toute l'étude qu'il a fait autour de ce livre. De même, son authentification, sa vérification du livre « Al-Madkhal ila al-Sahih » de l'Hakim, rahmatullahi alayh, de même que la vérification du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala, « Kitab al-Tawassul wal-Wasila », qui est un livre grandiose en réalité. Et Cheikh a fait la vérification de ce livre et a expliqué dans l'introduction pourquoi il a fait la vérification de ce livre. Regardez, pourquoi il a fait la vérification du livre Al-Tawassul wal-Wasila, de ce que je me rappelle, dans l'introduction, il expliqua que le livre a déjà été authentifié et a déjà été édité à de nombreuses reprises, authentifié par plusieurs personnes, mais à chaque fois, il retrouvait une parole qui était apparentée à Cheikh al-Islam Taymiyyah, parce que c'est lui qui a écrit le livre, et que Cheikh Rabi n'acceptait pas, il voyait que cette parole-là ne pouvait pas venir de cet imam, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, sur une parole qui était rapportée comme ça dans le livre, où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah aurait dit, celui qui désire, qui a cette raghba, fillah wa rasoulihi, ou ilallah wa rasoulihi. Donc, Cheikh disait, la raghba fait partie des adorations qui ne sont avouées qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Et comment ce grand savant Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah aurait pu dire, pour Allah et son prophète, et son messager, comment? Ceci n'est pas possible. Et aucun de ceux qui ont vérifié le livre et qui ont authentifié le livre, n'ont évoqué ce point-là et ont cherché pour voir si vraiment, ont poussé pour voir si vraiment cette parole-là était apparentée à Cheikh al-Islam. Donc, Cheikh a commencé à réunir les maqtoutat, c'est-à-dire les manuscrits qui s'apparentaient à Cheikh al-Islam à propos de ce livre, Tawassul wa Wasila, et il trouva que ceci était une erreur d'authentification de ceux qui avaient édité le livre précédemment et authentifié le livre. Et ceci fait partie de sa jalousie, rahmatullah alayh, pour la croyance du musulman, le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même que ce livre grandiose, Manhaj al-Anbiya, fi da'wati ila Allah, fi al-hikmah wa al-aql. J'ai déjà parlé, j'ai fait plusieurs assises précédemment à propos de ce livre-là. De même, Cheikh a un livre qui s'appelle Manhaj al-Sunnah fi naqd al-rijal wa al-kutub wa al-tawa'if. La voix des gens de la Sunna, bien sûr, le livre précédent, Manhaj al-Anbiya, fi da'wati ila Allah, la voix des prophètes dans leur appel à Allah. Il y a dans cela la sagesse et la raison. De même que son livre Manhaj Ahli Sunnah fi Naqd al-Rijal wal Kutub wa al-Tawa'if, c'est-à-dire la voix des gens de la Sunna dans leur critique des gens, des hommes, des livres et des groupes. Allahu Akbar. Ce livre-là est un livre grandiose de Cheikh. Vous trouverez peut-être certaines audios de cours où je lisais sur notre Cheikh Abu Abdil Ala il y a de cela près d'une dizaine d'années. Dans un cours à la mosquée, je lisais donc des parties de ce livre et Cheikh faisait le commentaire. De même, Cheikh a de nombreux livres grandioses, je ne pourrais pas tous les citer ici, parmi ces livres, Manhaj l'imam muslim fi tartib sahihihi. De même, les autres livres qui sont des réfutations à Hamza al-Malibari et Mohamed Awama et Abu Rodda et autres qui ont critiqué le Sahih d'Imam Muslim et autres que lui parmi les grands savants du hadith et qui ont inventé et innové une voie dans dans, à propos de la science, de la terminologie du hadith qu'on appelle aujourd'hui al-Malibariya, qui sont nombreux, et Shir a écrit de nombreuses réfutations pour préserver la communauté, afin que la communauté soit aguerrie et qu'il se préserve du mal de ces gens-là, al-Malibariya, de même, et bien sûr, à la tête de l'œuvre de Shir, tous ces livres en réponse et en réfutation à la tête du mal, la tête du takfir de notre époque, Sayyid Qutb, et tous ceux qui l'ont suivi. Parmi ces livres-là, Adwa Islamiyya ala Aqidati Sayyid Qutb, wa Fikrihi, wa Mata'in Sayyid Qutb, Qutb fi Ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, wal Awasim bima Kutub Sayyid Qutb, min al-Qawasim, et autres que ça, al-Hadd al-Fasil, bayna al-Haqq wal-Batil, et autres que cela parmi ces livres. De même, parmi les livres grandioses de Shir al-Mahajjat al-Bayda, fi Himayat al-Sunnat al-Gharra, un livre qui traite du Jarh wa Ta'dil, où Shir explique le juste milieu de notre communauté dans la science de la critique et de l'éloge, à l'inverse de ce que ses détracteurs lui imputent d'être quelqu'un qui est exagérateur dans la science du Jarh wa Ta'dil. Et bien sûr, nous, les salafis, qui nous sommes éduqués auprès de Cheikh, auprès de ses élèves, auprès de, à travers ses cours, à travers ses livres, il nous impute d'être des personnes qui exagèrent dans la science du Jarh wa Ta'dil. Et Cheikh a expliqué tout cela dans nombre et nombre de ses livres. De même, les réfutations que Cheikh a fait aux gens de Tamir, aux gens de Tamir, aux gens laxistes, comme Ali al-Halabi, comme Abul Hassan al-Maghribi, comme Abdelrahman Abdelkhaliq, comme il réfuta aussi al-Haddadiyya, comme ses réfutations à Abdel Latif Bachmil, sa réfutation à Yahya al-Hajjouri, etc., etc., etc., etc. Cheikh avait de nombreuses réfutations critiques, comment dire, basées sur une science ancré du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces réfutations aussi à qui? Shia. Ces réfutations Shia Rafida. Et autre que cela, ces réfutations aux soufis. Ces réfutations aux soufis, comme sa réfutation à ce que je me rappelle, Abdelaziz Al-Qari, par exemple, qui voyait la légitimité de demander la bénédiction à travers les traces laissées par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais autre que cela, parmi ces réfutations qui sont des réfutations basées sur une science ancrée du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, revenez, revenez, ayol ikhwa, à ces livres, lisez ces livres, apprenez l'œuvre de Cheikh Rabi, apprenez à connaître l'héritage qu'a laissé cet imam, Rabi ibn Hadi, cet héritage sur lequel nous sommes éduqués, une personne qui a l'habitude de dire Cheikh Rabi, Cheikh Rabi, Cheikh Rabi, Cheikh Rabi. Si tu lui demandes, qu'as-tu lu de Cheikh? Il te dira rien du tout. Si on te demande, qu'as-tu enseigné, toi qui es peut-être dans l'enseignement de Cheikh, il te dira rien du tout. Qu'as-tu assisté parmi les cours en français de livres de Cheikh ou de parties de livres de Cheikh qui ont pu être enseignés? Rien du tout. Que connais-tu en réalité de Cheikh Rabi, à part ce que tu entends Cheikh Rabi, Cheikh Rabi, et tu as une idée faussée de la réalité de cet imam, rahimahullah ta'ala. À propos de cela, Allah azawajal m'a permis de faire un léger commentaire de certains livres de l'allama Rabi ibn Hadi, parmi ceux-là, comme un résumé dans une petite série de, comme je l'ai dit, de Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah. Donc c'était une série de cours après la khutbah du Jumu'ah, qui est tournée aussi autour de cela, sur le livre Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah. De même, c'est un livre que j'enseigne actuellement dans l'institut de l'imam Tabari, dans la ville de Nouakchott, en Mauritanie, pour l'enseignement des du'at. Donc nous enseignons à nos frères étudiants en sciences qui deviendront demain des du'at, des prédicateurs, où j'enseigne donc ce livre-là, Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est un grand bien d'Allah Azza wa Jalla, un grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla sur moi de pouvoir enseigner les œuvres de cet imam, de même que vous trouverez aussi un cours que nous avons fait ensemble avec les frères il y a longtemps dans la mosquée Ar-Rahma de la ville d'Evry, sur un livre très important aussi, un très beau livre de Cheikh, une très belle œuvre qui s'appelle Al-Mudhakkira fi Al-Hadith Al-Nabawi. Un livre, vraiment une œuvre très belle de Cheikh, comme l'ensemble des œuvres de Cheikh que j'ai pu expliquer. Les cours se trouvent, je pense, sur la chaîne. Les frères les ont partagés sur la chaîne ou autre, parmi ces réseaux. Je terminerai ici pour ne pas prendre beaucoup plus de temps sur l'éloge rapidement des savants, car en réalité, Cheikh Rabi est quelqu'un de connu par l'ensemble d'entre vous. Alhamdulillah, ce grand savant est quelqu'un de connu, vous connaissez, vous avez sûrement entendu les éloges de ces grands savants à propos de lui. J'ai même propagé ici sur la chaîne Ahlul Dhikr, il y a un petit moment, une traduction d'une parole de Cheikh Rabi où il parlait de son Cheikh l'imam, Cheikh Ibn Baz, où Cheikh Ibn Baz disait de lui de continuer à réfuter les gens du faux. Vous pourrez retrouver cette parole aisément. C'est une belle parole qui illustre la confiance qu'avait ce grand imam, Cheikh Ibn Baz, sur Cheikh Rabi Ibn Hadi. Il avait une confiance en lui, pardon. Rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Donc, nous voyons que Cheikh Ibn Baz avait de nombreux éloges sur l'allama Rabi Ibn Hadi. Il avait aussi, nous pouvons trouver aussi des éloges de l'Allama ibn Uthaymin, comme nous voyons dans un cours que Cheikh Rabi a donné dans la ville de l'Unayza à l'époque. Et à la fin du cours, Cheikh ibn Uthaymin a fait un commentaire de son cours et a fait les éloges de ce dernier, de même que nous trouvons les éloges de Cheikh ibn Uthaymin où il dit de lui que c'est quelqu'un qui est ancré dans la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est quelqu'un qui est sur la voie des gens de la sunna. Nous voyons aussi que Cheikh Ibn Baz avait l'habitude de le conseiller de réfuter les gens du faux, comme je l'ai dit précédemment. Nous voyons aussi les éloges de ce grand savant al-Muhaddith, Muhaddith al-Asr, Muhammad Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, où il disait sur Cheikh Rabi' qu'il était le porteur de l'étendard de l'Jarh wa al-Ta'dil à notre époque, c'est-à-dire le porteur de l'étendard de la science de la critique et de l'éloge à notre époque. Donc, nous voyons aussi, donc, comme je l'ai dit, l'éloge de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, cet imam, où il disait que Cheikh Rabi était un homme qui était accroché à la sunna et qui faisait partie des gens de la sunna et des gens du hadith et qu'il était sur la voie des pieux prédécesseurs. Ceci est un grand éloge de l'allama, l'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah azza wa jal. Nous voyons aussi un éloge ou des éloges qui ont été faits par le grand frère de notre cheikh et notre père, Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Banna, qui faisait partie des enseignants de Cheikh Rabi, où il faisait des éloges, de grands éloges à son élève, l'allama Rabi ibn Hadi, il renvoyait vers lui. Nous voyons aussi les éloges qu'avait fait ce grand savant, Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, où il faisait les éloges de Cheikh Rabi sur sa connaissance ancrée de la réalité des frères musulmans et des sectes et groupes que nous pouvons trouver à notre époque. De même, nous trouvons ce même éloge de certains autres savants comme l'imam Ahmed ibn Yahya al-Najmi, de même que Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, tous faisaient cet éloge. Ils disaient de lui que c'était un grand savant qui était ancré dans la science du Coran, de la Sunna, qui était ancré dans la science des voies égarées et des groupes égarés, qu'il était plutôt spécialisé dans cela. Et donc, sans aucun doute, il avait ce droit, ce plein droit de réfuter ces groupes et sectes égarés. Et c'est pour cela que ces réfutations et ces critiques étaient acceptées de l'ensemble des savants de la sunna, de même que les élèves des savants de la sunna. Nous voyons aussi l'éloge de nos savants comme Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab ibn Marzouq al-Banna, qui avait l'habitude de faire ces éloges, des éloges qui sont enregistrés, de même que des éloges que j'ai entendus pendant de nombreuses années. J'ai pu étudier chez notre Cheikh, je l'ai accompagné pendant plus d'une dizaine d'années et à de nombreuses reprises, rahimahullah ta'ala, il faisait ses grands éloges sur Cheikh Rabi. Il conseillait de revenir vers lui sur ce qui était en relation avec le manhaj en particulier. Et il disait que lui-même revenait vers lui, lui-même lui demandait conseil à propos de cela, sachant que notre père, Cheikh Hassan, était plus âgé que Cheikh Rabi, mais malgré cela, il était un ami à lui, un ami proche de lui, et il revenait vers lui pour ces affaires-là et lui demandait le conseil à chaque fois. À propos de cela, il faisait toujours ses éloges et il parlait souvent de ses assises qu'il avait avec lui à l'époque lorsqu'il le visitait à Mecca avec son grand frère, l'allama, l'imam, l'allama, ma'adarat, l'allama Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Banna, rahimahumullah jami'an. Nous voyons ici que si nous voulons donner une parole générale, nous dirons que l'ensemble des savants connus et reconnus pour leur cramponnement à la sunna, qui ont connu Cheikh Rabi ou qui ont eu vent de son œuvre et de sa maîtrise de la science du Coran, de la sunna et sa maîtrise de la science du manhaj, sont unanimes, sont d'accord et sont unanimes pour dire que ce savant était un grand savant enraciné dans ces sciences-là et qu'il était en droit de faire ses réfutations et plutôt qu'il profitait de ses réfutations, il renvoyait vers ses réfutations. Ceci à côté de ce que j'ai cité parmi, bien sûr ici, au niveau de la science de la critique et de l'éloge et des réfutations qui ont été écrites et faites par l'Allama Rabi Ibn Hadi, de même que tous ces livres qui ont été écrits dans les sciences du hadith, ces vérifications et ces authentifications des livres de la science du hadith, de même dans la croyance, de même que dans la terminologie du hadith et autre que cela, car en effet, Cheikh était spécialisé dans la critique et le dévoilement des voix fausses et innovées et des personnes qui s'apparentaient à ces voix et ces groupes, mais il était aussi spécialisé dans la science du hadith. Et nous voyons cela à travers ses œuvres. C'est-à-dire que tout ce que ses détracteurs disaient sur lui, qu'il ne faisait que parler et critiquer les gens de jour comme de nuit, ceci était faux. Nous voyons à travers ses œuvres qu'il avait nombre et nombre de cassettes enregistrées sur Sidq, c'est-à-dire la véracité, sur l'amana, sur autres et autres et autres parmi les sujets importants de notre religion. Ceci est un mensonge de ces gens-là et ils ont l'habitude depuis l'époque de nos pieux prédécesseurs et jusqu'à nos jours de mentir sur les gens de la sunna qui lèvent haut l'étendard de la sunna et l'étendard de la voix de nos pieux prédécesseurs. Une dernière chose ici pour ne pas trop traîner, je dirais que Cheikh, lorsqu'il tomba malade il y a de cela 27 ans, il demanda à certains parmi les gens qui étaient présents à cette époque-là, d'écrire pour lui une recommandation, comme un testament, une recommandation, c'est-à-dire quand on dit un testament ici, l'wasiyya, c'est-à-dire comme une recommandation, en tout cas pour les musulmans, il leur recommanda à cette époque-là, à l'ensemble des musulmans, cette recommandation venue d'un serviteur faible, ici je traduis approximativement les paroles de Cheikh à l'introduction de cette recommandation, venue d'un serviteur faible qui est proche de quitter ce bas monde, il leur recommande de craindre Allah tabaraka wa ta'ala de la meilleure manière et de se cramponner ensemble au câble d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ne pas se diviser et de ne pas se diviser en religion. Car en réalité, la piété, la crainte pieuse, la taqwa, il y a dans celle-ci et dans le cramponnement au câble d'Allah, que ce soit le livre d'Allah ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans ceci la félicité et la joie pour le serviteur dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Et à l'inverse de cela, il y a dans le fait de se diviser en religion et de diverger en religion, il y a dans cela l'avilissement et la faiblesse pour le serviteur dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Et il continua en disant qu'il n'est pas possible de se réunir et que les rangs des musulmans se réunissent sur autre chose que sur le livre d'Allah, le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous convient donc de prendre les causes, de rechercher les causes de ce qui entraînera la félicité et la joie dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà et de rechercher les causes ardemment afin de s'éloigner de ce qui sera l'inverse de cela, donc l'inverse de cette joie que nous trouverons dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, qui sont le fait de, donc l'inverse de cela, donc qui est la tristesse, qui se trouve dans le fait de diverger et de se diviser en religion. Puis après, il donna un conseil aux salafis, en particulier ceux qui se sont démarqué par le cramponnement au livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'appel et la prédication et l'appel à cela, donc au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de multiplier les efforts afin d'arranger, de chercher à arranger l'état des musulmans, d'arranger leurs croyances, leur manière d'adorer Allah Azza wa Jal, leur manière de se comporter, leur manière de commercer et de se réunir. Ceci dans l'ensemble des facettes de la vie du musulman, jusqu'à la fin de ce conseil qu'il donna, que je ne traduirai pas en entier ici, mais vous voyez ici ce conseil d'un père pour cette communauté, pour ses frères, un père pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour ses frères aussi, un frère vertueux qui conseilla à ce moment-là, un moment où il était sur son lit, où il pensait être sur son lit de mort, il conseilla donc ce conseil paternel, ce conseil vraiment où nous trouvons l'amour, où à travers celui-ci, nous voyons l'amour de ce dernier pour ses frères, l'amour de ce dernier pour la communauté musulmane de manière générale, et ces conseils en or que nous voyons de Shir. Et je terminerai donc ici, comme je l'ai annoncé au début du cours, par certains de ces bénéfices que j'ai pu profiter de Shir. Donc la dernière fois que j'ai rencontré Shir dans sa maison, dans sa chambre, rahimahullah ta'ala, c'était en 2017, l'une des dernières années où il était possible de vraiment profiter de Shir. Nous avons profité avec notre Shir, Shir Khalid Abou Abdel A'la, à une année où j'ai voyagé lui et moi pour la Umrah. Nous avons profité à plusieurs reprises de ce grand savant. Nous avons profité de lui dans les conseils qu'il nous a prodigués. Parmi ses conseils, il avait l'habitude de prodiguer ses conseils, de redoubler d'efforts dans l'apprentissage de la science, de rechercher les causes de cela dans taqwa, la crainte révérentielle, la piété d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous conseillait aussi ardemment de propager la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala pour celui qui a la possibilité de le faire. Et ce sont des conseils que j'ai profité personnellement de Shir et que nous avions l'habitude d'entendre de lui, et que beaucoup d'autres que moi ont pu profiter de ces conseils de Shir. Nous voyons aussi que Shir avait l'habitude d'être minutieux dans sa méthodologie. Ce que j'ai profité de Shir, ce que j'ai pu voir de lui à plusieurs reprises, était sa minutie. Ayyuhal Ikhwa, avant de parler, avant d'écrire, il demandait à propos de beaucoup de choses, à propos desquelles il voulait écrire, à propos desquelles il voulait parler, à propos des personnes ou des groupes qu'il voulait réfuter. Il posait des questions même à des personnes qui étaient ses enfants comme nous. Il nous posait des questions afin de savoir qu'est-ce qu'il en était, quel était notre avis, qu'est-ce que nous voyons à propos de cela, etc., etc., etc. Bien sûr, Shir, nous avons profité de lui directement par ses enseignements, par ses paroles qu'il nous adressait, mais aussi à travers, donc comme je l'ai dit, ses cassettes et ses œuvres, de même à travers ses savants qui ont été des professeurs pour moi. Et bien sûr, comme je l'ai dit, je ne suis pas un de ses élèves, je n'ai profité que très peu de lui, et comme avait l'habitude de dire notre cheikh, le cheikh Khalid Abdelrahman, Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, il disait, j'ai profité de cheikh Rabi', j'ai assisté à ses assises pendant 7 ans, et je partais à la fin de chaque assise. C'est-à-dire qu'en gros, il ne cherchait pas à être connu de Shir, à venir voir Shir, tu te rappelles de moi, etc., etc. Non, il disait, pendant 7 ans à Makkah, j'ai profité de Shir, j'ai assisté à ses assises, je partais après chaque assise, et je ne suis pas l'un de ses élèves. Si notre Shir, Shir Khalid Abdelrahman, que Shir Rabi' disait de lui qu'il fait partie des savants et qu'il a des comportements qu'on aimerait avoir, Shir Khalid Abdelrahman, Hafidhahullah, et que ce dernier disait, j'ai assisté chez Cheikh Rabi', j'ai étudié chez Cheikh Rabi' pendant 7 ans, puis il dit, je ne suis pas l'un de ses élèves, Allahu Akbar, nous devons être humbles et nous devons être justes dans nos propos. Alhamdulillah, Cheikh, j'ai pu profiter de peu d'assises avec lui, mais j'ai vraiment été marqué par ses assises et j'ai profité donc de son œuvre, et j'enjoins vraiment mes frères de profiter de Shir à travers ses œuvres. Car tu peux être quelqu'un qui t'est assis auprès des savants pendant de longues années, comme ici c'est le cas, que ce soit avec Shir Rabi' ou avec autres, des personnes qui peuvent s'apparenter à lui, peut-être même qui ont un lien de parenté peut-être avec lui, qui ont profité de s'asseoir avec lui pendant de nombreuses années. Sans aucun doute, il a entendu le bien et la science de ce grand savant. Mais est-ce qu'en réalité, ils sont parmi ses élèves, ou est-ce qu'en réalité, ils peuvent s'apparenter réellement à lui, alors que ce sont des gens peut-être qui ne sont pas du tout sur la même voie que lui et qui n'ont pas pris de ses enseignements? Plutôt toi, qui n'as peut-être jamais rencontré Cheikh Rabi', comme je le sais de beaucoup d'entre vous qui êtes ici, qui écoutez ou même qui écouteront l'audio enregistré, peut-être qu'ils n'ont même pas rencontré de leur vie Cheikh Rabi', mais qui peuvent prendre de ses enseignements et profiter de lui Vous, comme les générations qui viendront après nous, profitez de lui à travers son œuvre, à travers ses écrits, à travers ses audios. Et ceci est un grand bien que nous a laissé Cheikh Al-Allama, Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillah Rabbil Alamin.